Maintenant, c'est à vous. Oui. Écoutez l'anglais, dites le français et répétez la bonne réponse. Après la pause. C'est ça. Commençons. Wait. Attendez. The phone book. L'annuaire. The Minitel. Le Minitel. Modern. Moderne. I don't have or I haven't got. Je n'ai pas.